夜漫。

pas pris le temps de manger. Par contre, parfois, besoin de vidanger. Encore une fois, je ne vais pas. De moi d'aller changer de voix. Moi il faudra que j'aille me coucher, tu vois. On entend bien ta voix, c'est cool. Moi j'aime plutôt ça. C'est bien. Moi j'aime ça. C'est bien. Quand on change de mots, ça demande un effort supérieur pour se mettre à niveau. Truc de fou, un truc de dingue, un truc de psycho. Ça te remonte des pieds jusqu'au cerveau. Truc de fou. Truc de dingue, truc de psycho. Un truc de dingue, un truc de... Truc de psycho. Trop bien, trop bien. Qui te remonte des pieds jusqu'au cerveau. Lent au cerveau. Lent. Lent au cerveau. Lent. Lentement. Mais sûrement. Lentement. Camille Saint-Saëns qui s'invite parce que Debussy n'est pas loin. Me neither. Thank you. Cool. Voilà, ce petit décalage qui nous... Allez, propose un truc. Je fais une impro africaine. Yeah. Bye. Come on, Sumo, you're the best. You're the one, you're the real one. Please don't hide. It was a way to get you started. So, okay. Go on. On a... so... oh, you never. Okay. Never. Putain, je suis trouvé. Bye.